refugi. Dans le plastique, dans le plastique, dans le plastique, dans le plastique de ma carte de crédit. Payer autant, ça n'a pas de bon sens. Payer content, payer tout le temps pour faire semblant qu'on a de l'argent.